Unité 64. Conversation. Écoutez. C'est dans cet immeuble que se trouve l'appartement que nous allons visiter? Oui, au troisième étage. Je passe devant vous pour vous montrer le chemin. Combien de pièces y a-t-il? 4 pièces plus cuisine, salle de bain. Combien fait-il de mètres carrés? 100 mètres carrés environ. Sans compter que vous avez en plus une cave et un garage. Il me semble que le quartier est bruyant, non? Non. Outre que l'appartement donne sur le jardin, c'est une rue assez tranquille. Répétez. 1. C'est dans cet immeuble que se trouve l'appartement que nous allons visiter? 2. Oui, au troisième étage. Je passe devant vous pour vous montrer le chemin. 3. Combien de pièces y a-t-il? 4. 4 pièces plus cuisine, salle de bain. 5. Combien fait-il de mètres carrés? 6. 100 mètres carrés environ. Sans compter que vous avez en plus une cave et un garage. 7. Il me semble que le quartier est bruyant, non? 8. Non. Outre que l'appartement donne sur le jardin, c'est une rue assez tranquille. 9. C'est dans cet immeuble que se trouve l'appartement que nous allons visiter? 10. Oui, au troisième étage. Je passe devant vous pour vous montrer le chemin. 11. Combien de pièces y a-t-il? 12. 4 pièces plus cuisine, salle de bain. 13. Combien fait-il de mètres carrés? 14. 100 mètres carrés environ. Sans compter que vous avez en plus une cave et un garage. 15. Il me semble que le quartier est bruyant, non? 16. Non. Outre que l'appartement donne sur le jardin, c'est une rue assez tranquille. 2. Alors, vous nous avez dit que le loyer se montait à combien par mois? À 2200 francs par mois, plus les charges. À combien s'élèvent les charges? Environ à 500 francs. C'est énorme! D'autant plus que le chauffage électrique n'est pas compris. Pas tellement. Outre que c'est un immeuble de standing, vous avez un jardin bien entretenu. Est-il possible de le louer sans qu'on signe un bail de 3 ans? C'est à voir avec le propriétaire. Répétez. 17. Alors, vous nous avez dit que le loyer se montait à combien par mois? 18. À 2200 francs par mois, plus les charges. 19. À combien s'élèvent les charges? 20. Environ à 500 francs. 21. C'est énorme! D'autant plus que le chauffage électrique n'est pas compris. 22. Pas tellement. Outre que c'est un immeuble de standing, vous avez un jardin bien entretenu. 23. Est-il possible de le louer sans qu'on signe un bail de 3 ans? 24. C'est à voir avec le propriétaire. Répondez, répétez. 25. Alors, vous nous avez dit que le loyer se montait à combien par mois? 26. À 2200 francs par mois, plus les charges. 27. À combien s'élèvent les charges? 28. environ à 500 francs. 29. C'est énorme, d'autant plus que le chauffage électrique n'est pas compris. 30. Pas tellement. Outre que c'est un immeuble de standing, vous avez un jardin bien entretenu. 31. Est-il possible de le louer sans qu'on signe un bail de 3 ans? 32. C'est à voir avec le propriétaire. Écoutez. 33. Une délégation d'industriels français part pour Tokyo. Monsieur Béranger, quel est le but de votre voyage? 34. Outre que nous allons rencontrer des industriels japonais, nous allons voir des usines utilisant des robots. 35. On utilise des robots dans les usines? 36. Bien sûr, il y en a déjà des milliers dans le monde. En France, Renault en utilise quelques centaines. 37. Quel genre de travaux exécute-t-il? 38. Outre des travaux de manutention, ils servent dans les ateliers de soudure et de peinture. Répondez, répétez. 39. Une délégation d'industriels français part pour Tokyo. Monsieur Béranger, quel est le but de votre voyage? Outre que nous allons rencontrer des industriels japonais, nous allons voir des usines utilisant des robots. 41. On utilise des robots dans les usines. 42. Bien sûr, il y en a déjà des milliers dans le monde. En France, Renault en utilise quelques centaines. 43. Quel genre de travaux exécute-t-il? 44. Outre des travaux de manutention, ils servent dans les ateliers de soudure et de peinture. 45. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un robot. 46. On peut dire que c'est un appareil automatique pouvant se substituer à l'homme. 47. Grâce à ses articulations, il peut exécuter divers travaux, souder, peindre, etc. 48. Sa mémoire électronique enregistre les mouvements successifs que ses bras auront à faire. 49. En France, sauf pour des tâches pénibles à l'homme, il n'est pas encore beaucoup utilisé. 50. Son introduction pose différents problèmes. 51. Outre des problèmes de transformation des installations existantes, des problèmes de reconversion du personnel. 52. Mais en Occident, le robot ne remplacera que 5% des ouvriers avant la fin du siècle. Répondez, répétez. 53. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est un robot? 54. Oui. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est un robot. Il remplace l'homme. 56. Oui, on peut dire que c'est un appareil automatique pouvant se substituer à l'homme. 57. Il a des articulations qui lui permettent d'exécuter divers travaux. 58. Oui, grâce à ses articulations, il peut exécuter divers travaux, souder, peindre, etc. 59. C'est un automate programmable. 60. Oui, sa mémoire électronique enregistre les mouvements successifs que ses bras auront à faire. 61. Il est déjà très répandu en France. 62. Non. En France, sauf pour des tâches pénibles à l'homme, il n'est pas encore beaucoup utilisé. 63. Son introduction ne va pas poser de problème. 64. Si, son introduction pose différents problèmes. 65. Lesquels ? Soixante-six. Outre des problèmes de transformation des installations existantes, des problèmes de reconversion du personnel. 67. Ce sont des problèmes importants. 68. Oui, mais en Occident, le robot ne remplacera que 5% des ouvriers avant la fin du siècle. 69. En attendant, les robots jouets ont déjà fait leur apparition. 70. En plus des Goldorak, Alcor, Actarus, on trouve désormais des jeux informatiques. 71. Ils peuvent jouer avec vous au bridge, aux échecs. 72. Outre qu'ils commentent leurs jeux, ils peuvent faire des observations à leurs partenaires. 73. Mais il leur arrive de perdre, puisqu'ils s'adaptent à la force de leur adversaire. Répondez, répétez. 74. Et les robots jouets ? 75. En attendant, les robots jouets ont déjà fait leur apparition. 76. Les robots Goldorak, Alcor, Actarus ont eu beaucoup de succès. 77. Oui, mais en plus des Goldorak, Alcor, Actarus, on trouve désormais des jeux informatiques. 78. On peut jouer avec eux. 79. Oui, ils peuvent jouer avec vous au bridge, aux échecs. 80. Ils parlent ? 81. Oui. Outre qu'ils commentent leur jeu, ils peuvent faire des observations à leurs partenaires. 82. La lutte est inégale alors ? 83. Mais il leur arrive de perdre puisqu'ils s'adaptent à la force de leur adversaire.